Écoute, écoute, ça s'est passé dans Hashtag. On va parler de la compatibilité des signes. Qu'est-ce que c'est que la compatibilité des signes? Alors, je l'ai dit deux fois. Hein. C'est, franchement, je suis étonnée parce que tu as galéré pour le dire. Ouais, j'y suis arrivée. En fait, la compatibilité des signes, c'est un sujet un petit peu... Je me dis, en ces temps difficiles, c'est vrai que c'est dur pour certains de trouver l'amour maintenant. Et ouais. J'ai peut-être donné quelques petits conseils pour essayer d'aiguiser un petit peu son champ de recherche. D'accord. Quoi. Donc on a en fait quatre, enfin on a plein de signes du zodiaque, mais on a quatre principaux éléments. Mm-hmm. Donc c'est le feu, l'air, la terre et l'eau. Et l'eau, ouais. Ah. Donc dans le signe du feu, on a bélier, lion et sagittaire. Dans le signe de la terre, taureau, vierge, capricorne. Air, gémeaux, balance, verseau et signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il faut savoir que tous les signes ne s'emboîtent pas tous ensemble. D'accord. Donc par exemple, ceux qui s'emboîtent bien ensemble, c'est le feu et l'air. Donc c'est les béliers, lions et sagittaires qui vont bien avec les gémeaux, balance et verseau. Et la terre et l'eau. Oh. Donc c'est plutôt les taureaux, vierges, capricornes qui sont plus avec les cancers, scorpions, poissons. Par contre, le feu et l'eau, c'est bof. L'air, terre, non plus, air, eau, non, feu, terre, ça ne va pas non plus. D'accord. Pourquoi ? Alors, on a le signe donc du feu, donc toi tu es... Capricorne, donc toi tu es un signe, non, signe de la terre, toi. Donc le signe, ouais, du feu, c'est les béliers, les sagittaires et les lions. On peut dire que c'est les pires. C'est le pire du signe astrologique, c'est du signe du zodiaque, c'est le bélier, parce que le bélier est très puissant, est vraiment le signe du feu, donc tous les signes à cornes, même les taureaux aussi, mais les signes à cornes ont tendance à être... ils aiment dominer, quoi. Après, on a le lion qui est un peu au même rang que le bélier. Lui, c'est un ego surdimensionné. Il veut qu'on le voit. Il veut qu'on le voit, quoi. On le voit, oui. Et alors, on a les signes un petit peu plus timides, un peu plus taiseux. Donc, il y a les vierges, il y a les balances qui sont un peu plus... Même les cancers un peu plus timides. Puis, on a ce taureau très terre-à-terre aussi. Ah, donc, ouais. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître. Je vais déjà vous demander votre signe astrologique. Donc, toi, c'est quoi? C'est scorpion, moi. Scorpion. Je suis de l'eau, moi. Toi, tu es de l'eau. Ouais, d'accord. Donc toi Capricorne et toi Poisson. Poisson. Ok. Donc attends, on a tout. On a tout, oui. Parce que tout, moi, hein, je suis Gémeaux. Oh, donc ça magnifique. Veut dire que toi tu es, attends, signe de la terre. Moi c'est de l'eau. Et toi? Mais moi c'est l'eau aussi, Poisson. L'eau, oui. Ah ben bah, on est de l'eau. Donc ça veut dire que Xavier, toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. Merde. Du tout. Max, je suis désolée, mais toi non plus. Non plus, on n'est pas. Mais merde. On n'est pas vraiment nous deux, fait y pour y a être pas... ensemble. Oh oui, je le savais ça. Attends, R et... Non, R et O, ça va pas. Non, terre et O, ça va pas. Terre et O, ah, attends, peut-être en fait. Hein. Terre et O. Oui, terre et O, c'est une bonne combinaison. C'est une très bonne combinaison. Xavier et moi ? Oui, oui, oui. Ah bah écoute. Et on va faire le test maintenant tout de suite en fait. Donc oui. On va faire un test pour savoir avec qui, par exemple, Xavier, avec qui tu es le plus compatible. Donc dis-moi. Toi, tu m'as dit que tu étais... J'ai un scorpion, moi. Scorpion, ouais. Attends, on va aller voir dans les scorpions. Parce que j'ai déjà été avec une scorpion, ça s'est très mal passé. Enfin, en fait, ça dépend. Ça... C'est ce que je vous ai dit quand je suis arrivée. Quand on est du Docteur même Love. Signe... Quand on est du même signe astrologique, soit ça peut faire des étincelles, ça peut être le feu complètement, soit ça ne peut pas aller. Par exemple, moi je sais que Gémeaux et Gémeaux, c'est une combinaison qui va parfaitement bien parce qu'on est tous les deux des signes très très extravagants, très extravertis et la communication, on rigole, etc. Donc Gémeaux, moi c'est une combinaison qui fonctionne très bien. Par exemple, Cancer, ça fonctionne pas vraiment parce qu'ils sont plus timides, ils ont plus besoin tous les deux d'attention, etc. Donc ça peut ne pas fonctionner. Bélier, par exemple, c'est une combinaison qui peut très bien fonctionner, comme Taureau, par exemple. D'accord. Donc toi, tu m'as dit que tu étais Scorpion. Exactement. Donc le top pour toi, c'est les Cancers, les Taureaux, les Poissons, Lion, Vierge. Mais l'eau du Scorpion est bloquée dans son élan créateur. Ah. Le pire pour toi, c'est Verseau, Bélier, Gémeaux, Balance, Sagittaire. Ça fait du monde, tu vois. Sagittaire, ouais. Ah non, c'est Capricorne. Mais il ne reste plus personne, en fait. Si, parce que le top, c'est les Cancers, Taureau, Poisson, Lion, Vierge. Mm-hmm. Pour toi, un lion, une lionne, ce serait un peu... Si tu aimes te faire dominer, Xavier, va vers une lionne. Oh, il aime bien. Alors, toi, c'est Capricorne, Max. Ouais. Alors, Capricorne... La réflexion du Capricorne, plutôt introverti, trouve avec certains signes un écho bénéfique. S'il est en confiance, il pourra alors dévoiler le fond de son cœur. Ah. Donc le top pour toi, Lion, Scorpion, Gémeaux. Oh, tu t'es. Il y a du choix. Cancer, Vierge, mais attention car on a tendance avec lui à s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Ah, je ferai attention alors. Et le pire pour toi, c'est les Béliers, Poissons, Verseau. Donc Max, d'accord. Anaïs, c'est pas possible. Désolé. Avec toi, Anaïs, tu es Poisson. Ouais. Donc fusion et osmose de deux âmes qui s'accordent au programme car le Poisson est un être sensible et romantique qui a besoin qu'on le comprenne. Sensible, ouais. Alors, le top pour toi, c'est les scorpions, taureaux, cancer, sagittaire, vierge et capricorne. Ça, c'est le top, tout ça ? C'est le top. Et le pire, c'est les gémeaux, bélier, balance. Je suis qu'un scorpion. Alors, ça va. Ouais. Ah, si il ne sait pas citer, ça va. Après, il ne faut pas s'arrêter. Hein, non, parce que bah non. Mais t'en as qui croient que ça. Il faut tenter. Ah, et alors, s'il rencontre quelqu'un qui n'est pas le bon signe, ah, mais c'est il y pas en a dès la première rencontre. C'est quoi ton signe ? Ah, ben non, nous deux, ça ne va pas, tout ça. Non, quand même pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette anecdote avec David Guetta. Il devait faire un feat avec Madonna et quand elle a appris son signe astrologique, elle a refusé de faire un feat. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas que le signe astrologique. Par exemple, moi, dans Gémeaux, je me reconnais très bien dans Gémeaux quand je lis mon signe. Mais je peux avoir quelqu'un qui est du même signe que moi, mais on ne se ressemble pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut aller voir votre heure de naissance et parfois même votre lieu de naissance pour avoir votre décan. Et avec votre décan, avec votre ascendant, vous allez savoir. Par exemple, je vais écouter un tirage de Gémeaux, je vais pas me reconnaître dedans, je vais aller voir le tirage de mon ascendant, par exemple, qui est Sagittaire, j'en sais rien, mais je vais plus me reconnaître là-dedans. Donc, il faut aller voir un peu les signes du zodiaque. Il faut pas vraiment. Il faut aller très loin, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas, vous aussi, à aller voir votre signe avec qui vous êtes compatible et puis venir nous le dire. Vous aimez qui vous voulez. Hein. Voilà, exactement. C'est un très beau mot pour terminer cette séquence. Et dans quelques instants, on va aller se balader avec Anaïs. Ah bah oui, je vais vous proposer plein de trucs en Wallonie.